Rien ne venait encore. 10 heures avaient sonné à Saint-Méry. Un jour-là, c'est Combeferre, du groupe ABC, est allé s'asseoir. Il ne se parlait pas. Subitement, au milieu de ce calme lugubre, une voix claire, jeune, gaie, qui semblait venir de la rue Saint-Denis, s'éleva et se mit à chanter distinctement, sur le veillère populaire, au clair de la lune, cette poésie terminée par une sorte de cri pareil au chant du coq. « Mon nez est en larmes, mon ami Bugeaud, prête-moi tes gendarmes pour leur dire un mot. En capote bleue, la poule au chaco, voici la banlieue, co-co-corico. » Ils se serrèrent la main. « C'est Gavroche, » dit Enjolras. « Il nous avertit, » dit Combeferre. Une course précipitée troubla la rue déserte. On vit un être plus agile qu'un clown grimper, et Gavroche, par-dessus, bondit dans la barricade, tout essoufflé en disant « Mon fusil, les voici !»« Veux-tu ma carabine ?» dit Enjolras au gamin. « Je veux le grand fusil !» répondit Gavroche, et il prit le fusil de Javert. Chacun avait pris son poste de combat. Quelques instants s'écoulèrent encore. Puis un bruit de pas, mesuré, pesant, nombreux, se fit entendre distinctement du côté de Saint-Leu. Ce bruit, d'abord faible, puis précis, puis lourd et sonore, s'approchait lentement, sans halte, sans interruption, avec une continuité tranquille et terrible. Tout à coup, une effroyable détonation éclata sur la barricade. Le drapeau rouge tomba. Il était évident qu'on avait au moins affaire à un régiment tout entier. « Avant tout, dit Enjolras, relevons le drapeau !» La troupe rechargeait les armes. Enjolras reprit. « Qu'est-ce qui a du cœur ici? Qu'est-ce qui replante le drapeau sur la barricade ?» Bazin répondit. « Personne ne se présente ?» M. Mabeuf, au moment de l'attaque, s'était levé brusquement. Il avait traversé la salle, et à l'instant où Enjolras répétait son appel « Personne ne se présente ?» on vit le vieillard apparaître sur le seuil du cabaret. Ce vieillard de 80 ans se mit à gravir lentement l'escalier de pavé pratiqué dans la barricade. Quand il fut au haut de la dernière marche, le vieillard agita le drapeau rouge et cria « Vive la Révolution ! Vive la République ! Fraternité ! Égalité ! Et la mort !» On entendit le commissaire de police qui faisait les sommations légales à l'autre bout de la rue. « Retirez-vous !» M. Mabeuf, blême, hagard, leva le drapeau au-dessus de son front et répéta « Vive la République !»« Feu !» dit le commissaire. Le vieillard fléchit sur ses genoux, puis se redressa, laissa échapper le drapeau et tomba en arrière à la renverse sur le pavé, comme une planche, tout son long et les bras en croix. Enjolras éleva la voix. « Citoyens, ceci est l'exemple que les vieux donnent aux jeunes. Cet aïeul est auguste devant la patrie. Que sa présence au milieu de nous fasse à la barricade imprenable. » Un murmure d'adhésion, morne et énergique, suivit ses paroles. Enjolras se courba, souleva la tête du vieillard et dit « Voilà, maintenant, notre drapeau !»